Serions-nous tous tombés dans le panneau? Les géants d'Internet nous ont-ils eu jusqu'à l'os, au point de nous transformer à notre insu en travailleurs non rémunérés? À chaque like, à chaque note attribuée, à chaque commentaire rédigé, nous produisons de la valeur et nous engraissons ces services qui nous apparaissent comme gratuits. Ça, c'est pour la voix passive. À la voix active, ce sont ces gens contraints au micro-travail, le tâcheronnat 2.0 qui consiste à aider les intelligences artificielles à apprendre, à reconnaître, à déchiffrer ou dans le pire des cas, les fermes de clics dans les pays pauvres. Bienvenue à l'ère du digital labor. Digital Labor, tout clic mérite salaire, c'est le programme néo-prolétaire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour décrire, analyser et comprendre les enjeux de ce digital labor qui est, comme on le verra, difficilement traduisible en français, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Antonio Cassilli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Télécom Paris, Institut Polytechnique de Paris, co-auteur notamment de Qu'est-ce que le digital labor avec Dominique Cardon, c'est aux éditions de l'INA. Et bonjour Benjamin Bayard. Bonjour. Président de la Fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatif et cofondateur de la Quadrature du Net. Mais avant cela, comme chaque jour, eh bien, on fait le tour de l'actualité scientifique du jour avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. C'est le journal des sciences. Et on commence ce journal avec un nouveau mystère sur la planète Mars. Le rover Curiosity rapporte des pics d'oxygène que l'on ne s'explique pas. Et depuis 5 ans, le spectromètre SAM, embarqué à bord de Curiosity, mesure les variations de gaz dans l'atmosphère martienne. Dans une étude parue hier dans The Journal of Geophysical Research Planet, on découvre, sans surprise, que l'atmosphère est composée à 95% de dioxyde de carbone et plus faiblement d'azote, d'argon, de monoxyde de carbone et de l'oxygène à 0,16%. Sur Terre, le rapport de mélange des gaz ne varie jamais, mais sur Mars, ce n'est pas le cas. En hiver, sur chaque hémisphère, le CO2 se condense pour former d'épaisses calottes de glace carbonique, ce qui fait que tous les autres gaz qui ne peuvent pas se condenser, comme l'azote et l'argon par exemple, fluctuent tous au même rythme. Ces fluctuations sont les mêmes selon les saisons, sauf, surprise, pour l'oxygène. Les chercheurs ont même pensé à un bug technique. Ce mystère rencontre un autre mystère, celui des fluctuations de méthane sur Mars. François Forguet, astrophysicien et directeur de recherche CNR, assis à l'Institut Simon Laplace. Il y a un gaz, donc l'oxygène, qui est à peu près présent à 0,16%, lui varie par rapport aux autres gaz, à l'argon, l'azote, de 20%. Et ça, c'est tout à fait inattendu, parce que l'oxygène est censé avoir une longue durée de vie chimique, donc il n'y a pas de mécanisme chimique qui est censé le faire varier. On doit donc imaginer un autre mécanisme, soit lié à la surface, une source, un puits inattendu, pour faire varier l'oxygène de 20%. Sachant que même s'il n'y a que 0,16% dans l'atmosphère, ce sont des quantités énormes. Donc si on veut par exemple une source à la surface, eh ben, il faut un énorme volume de roche qui réagit chimiquement. C'est un peu mystérieux. Voilà. Et les auteurs de ce papier font un parallèle avec les fluctuations de méthane sur Mars. Pourquoi il y aurait une corrélation entre ces deux gaz? Le parallèle est suivant. C'est que dans ce mystère du méthane sur Mars, on ne comprend pas si vraiment il y a du méthane. Et puis quand on le mesure, il a un comportement tout à fait bizarre qui correspond pas du tout à ce à quoi on s'attend chimiquement. Donc c'est bizarre d'imaginer un mécanisme chimique qui ferait que le méthane se comporterait très bizarrement et puis pas les autres gaz. Et là, tout d'un coup, on découvre que l'oxygène, le dioxygène, se comporte bizarrement aussi. Donc on se dit, tiens, peut-être qu'il y a toute une partie de la chimie sur Mars qu'on comprend pas, et c'est bien que le méthane soit pas tout seul dans ce cas. En plus, ce qu'on a vu, c'est que non seulement le comportement de l'oxygène est bizarre de manière saisonnière, mais d'une année à l'autre, il change un petit peu aussi. Et là encore, on ne comprend pas non plus. Donc on invoque plutôt des réactions avec la surface. Ça peut être ce qu'on appelle de l'absorption et de la désorption, ou alors un comportement bizarre d'autres molécules qu'on sait présentes sur Mars, comme par exemple le peroxyde d'hydrogène, donc c'est ce qu'on appelle l'oxygéné, hein, nous, sur Terre, et qui peut lui effectivement libérer de l'oxygène s'il est chauffé ou quelque chose comme ça. Il y a quelques pistes qui sont suggérées, qui sont assez intéressantes. Je sais pas trop quoi en penser. Voilà, vous pouvez retrouver grâce à un miracle numérique, puisqu'il y a une énorme panne d'internet sur tout Radio France qui vient de se résoudre apparemment. Donc toutes ces études, comme tous les jours, vous pouvez quand même, malgré tout, les retrouver sur le fil Twitter de la méthode scientifique @laméthodefc, ainsi que sur le site de la méthode sur franceculture.fr. Et on passe au bref. La sonde japonaise Hayabusa 2 quitte aujourd'hui l'astéroïde Ryugu pour revenir sur Terre. En février, la sonde avait réussi à prélever à l'aide de son bras mécanique des échantillons de la surface de cet astéroïde. En juillet, grâce à un impacteur qui a provoqué une explosion, Hayabusa 2 a même récolté des échantillons du sous-sol. La capsule contenant ces prélèvements devrait atterrir sur Terre à la fin de l'année 2020, après avoir parcouru 300 millions de kilomètres. Selon une étude parue dans Nature Geoscience, le fleuve Nil est plus vieux qu'on ne le pensait. Les géologues pensaient qu'il s'était formé il y a environ 6 millions d'années, et selon les nouvelles datations d'une équipe internationale, le Nil a au moins 30 millions d'années. Les chercheurs ont étudié les anciennes roches volcaniques des hauts plateaux éthiopiens, puis ils ont analysé les sédiments enfouis sous le détail du Nil. Ils ont ainsi découvert que les hauts plateaux éthiopiens se sont formés il y a 30 millions d'années et sont restés depuis à la même hauteur. L'équipe a ensuite vérifié et confirmé ces résultats avec des simulations informatiques qui reconstituent 40 millions d'années d'activité tectonique. Et dans Nature, Ecology and Evolution, une étude montre que l'eau à la surface d'une planète ne signifie pas qu'elle peut être habitée. C'est la conclusion d'une équipe franco-espagnole qui a étudié les sources chaudes du champ géothermique de Dalol en Éthiopie. Et après une batterie d'analyses, un séquençage massif de gènes marqueurs d'identité microbienne, des analyses chimiques des saumures, de la microscopie électronique à balayage associée à de l'imagerie chimique, l'étude montre que la vie microbienne ne peut pas se développer dans ces bassins hyper salés et hyper acides. Cet article montre que sur notre planète, certains endroits peuvent être stériles, même lorsqu'il y a de l'eau liquide. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences. La notion de digital labor est apparue il y a environ une dizaine d'années pour désigner une sorte de dématérialisation d'une forme de travail numérique répétitif. Toute action qui consiste à cliquer, à commenter, à aider les intelligences artificielles à mieux reconnaître, à mieux déchiffrer, à mieux comprendre, bref, à enrichir les bases de données pour faire en sorte que ces intelligences artificielles soient plus compétente et plus autonome. C'est une expression, je le disais tout à l'heure, difficilement traduisible dans le sens où labor est entendu comme pas uniquement du travail, mais un travail pénible, une tâche déléguée un peu à la manière de ce qui était désigné par le terme de tâcheronnat au 19e siècle, le sweating system, le système qui fait transpirer, qui permettait à certaines personnes de gagner de l'argent en déléguant leurs travaux pénibles à d'autres. C'est ce que décrit cette archive d'avril 1948. Nous sommes à la Tribune de Paris sur la radiodiffusion française. Pour en venir à cette Flora Tristan, elle raconte des choses assez curieuses dans son voyage à travers la France. Elle va à Marseille. Et alors, elle voit des gens, un portefeuille par exemple, est embauché pour porter une grosse malle à la diligence pour 1,50 francs. Qu'est-ce qu'il fait? Aussitôt, il appelle une Italienne, très grande, très forte, mais enceinte. Enceinte très avancée. Il charge la grosse malle sur les épaules de cette malheureuse qui plie sous le poids. Arrivé à la voiture, il tire de sa poche 25 centimes et lui donne. Elle proteste, elle crie, il l'envoie coucher. Ainsi, il a gagné 1,25 francs sans rien à faire. La malheureuse s'était ratée et a risqué un avortement pour 25 centimes. Voilà ce en se généralisant, c'est ce qu'ils appelaient le marchandage. La lutte contre le marchandage a été... Elle a été interdite. Une réaction, Antonio Casilli, marchandage, tâcheronnat, digital labor, tout ça, c'est le même visage d'une même pratique. C'est le visage d'une pratique qui n'a jamais entièrement disparu, malgré l'interdiction légale, qui une espèce de courant de travail qui coule en parallèle du travail salarié, du travail employé, du travail formellement reconnu qu'on est arrivé à structurer à côté de personnes qui réalisent des activités qui sont encadrées d'un point de vue contractuel et qui en plus sont de manière tendancielle à temps indéterminé, on a connu ici en France comme ailleurs, et c'est bien documenté, toujours l'existence d'un travail fragmenté. Et c'est ça l'idée du tâcheronnage ancien, mais aussi du micro-tâcheronnage, voire du travail du clic, dont on voit l'émergence aujourd'hui. Le travail du clic, c'est un travail tâcheronisé. Benjamin Bayard, sur l'équivalence entre... Pardon, est-ce qu'on peut vraiment dire que ce digital labor est une résurgence de ce tâcheronnage ou ce marchandage qu'on vient d'entendre dans l'archive? Oui, avec un aspect géographique qui est très différent. Dans ce qui est raconté dans l'archive, il y a quand même une proximité immédiate entre la pauvre dame qui se fait exploiter pour 25 centimes et le monsieur qui gagne 1,25 franc en faisant pas grand-chose. De nos jours, c'est plus le cas. C'est-à-dire que le monsieur qui gagne 1,25 franc en faisant pas grand-chose, il est probablement à San Francisco. Et la pauvre dame qui s'éreinte pour 25 centimes, elle est peut-être dans un coin paumé des États-Unis, mais peut-être aux Philippines ou en Inde ou quelque part en Afrique ou peu importe en fait. Donc il y a en plus un côté déshumanisé qui apparaît grâce à la magie du numérique. Comment est-ce qu'on définirait exactement, Antonio Casi, ce digital labor? Une traduction pourrait être le travail du doigt, parce que digital, là, on semble plutôt renvoyer à la racine latine, digitus. Donc c'est le doigt qui compte pour le différencier du travail numérique, donc qui serait un travail plus noble, un travail de calcul. Et mais de l'autre côté, donc c'est pourquoi par exemple on insiste sur digital plutôt qu'en numérique, et on le garde en anglais. On le garde en anglais aussi parce que le mot travail en français n'arrive pas à exprimer ce que le mot anglais labor exprime, c'est-à-dire un rapport social. Labor n'est pas la traduction exacte de labeur en français, donc, par ailleurs c'est un faux ami, mais labor c'est le fait de travailler pour, travailler avec, travailler en compétition versus quelqu'un, et à la limite même c'est une force sociale, comme voilà, on parle de labor en termes d'un parti politique, d'un programme politique. Tout ça n'est pas entièrement exprimé par le mot français travail, qui est extrêmement polysémique, mais qui désigne à la fois, voilà, effectivement, le travail en tant qu'activité sociale, mais aussi le travail en tant que transformation du monde physique. Alors que dans le digital labor, en réalité, bon, il y a évidemment beaucoup de matérialité, parce qu'il y a toujours un doigt qui clique sur un clavier, un smartphone, une souris, mais il y a aussi beaucoup de dématérialisation au sens de travail qui finalement relève de la production de données, de information, donc ce qui relève d'entité informationnelle. Si on veut tâcher de dépolitiser un peu l'expression, on peut parler de micro-travail externalisé, Benjamin Bayard. C'est ça la réalité sociologique de ce type d'emploi? Ouais, non. Non. D'abord, je suis pas du tout d'avis qu'il faille dépolitiser ce genre de débat. C'est au contraire, il faut le politiser. Il est en permanence dépolitisé. C'est le travail d'Amazon de le dépolitiser, de faire croire que c'est une activité économique honorable comme une autre. Pas que d'Amazon, d'un certain nombre de gouvernements qui nous vendent ça comme une transformation du rapport au travail, du salariat, mais on y reviendra. Oui. Il y a déjà suffisamment de gens qui dépolitisent ce débat. Je pense qu'au contraire, il faut le politiser parce que c'est une question fondamentalement politique. C'est en fait une question de travail qui a lieu dans des conditions qu'on n'appellerait pas travail en France. C'est-à-dire que c'est du travail où il n'y a pas de charge sociale de payer convenablement, où il n'y a pas de couverture sociale pour les gens, où il n'y a pas de sécurité, où il n'y a pas de normes. C'est-à-dire que si vous travaillez 18 heures par jour, tant mieux pour vous, ça vous permettra de gagner $1,25 au lieu d'$1 dans la journée. Parler de micro-travail... Quand je vais faire une demi-journée d'intérim, c'est du micro-travail. Mais dans ma demi-journée d'intérim, j'ai droit à un petit peu de chômage, j'ai un petit peu de cotisation sociale, j'ai un petit peu d'assurance maladie. C'est pas tout à fait la même chose. Là, ce dont on parle, c'est de quelque chose qui serait pas qualifié de travail en France, qui serait qualifié de travail au noir. Alors, c'est pour une des acceptions. On va voir que ce digital labor, ça regroupe plusieurs types d'acceptions, que c'est plus ou moins subi aussi, et que puis parfois, on en fait même sans savoir qu'on est en train d'en faire. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15, nous parlons donc de digital labor avec Antonio Casilli et Benjamin Bayard. On va voir toutes ces acceptions que j'évoquais à l'instant. Peut-être un petit mot d'histoire, Antonio Casilli. Quand est-ce qu'apparaît cette notion de digital labor? Figurez-vous, elle apparaît à la toute fin des années 90. À l'époque, on parle de network labor, donc travail en réseau, et cela désigne surtout tout type d'activité qui serait gratuite, production de contenu surtout, contenu sur Internet. Pensez par exemple le fait de monter un site web, web, de être administrateur d'un forum. À l'époque, c'était considéré comme une activité noble et sur base volontariste, mais en réalité, déjà quelqu'un, en réalité c'était une chercheuse qui s'appelle Tiziana Terranova, dénonçait cela comme une forme de travail qui donc mériterait une reconnaissance même économique. Et pourtant, ensuite, donc cette notion a fait son petit chemin et elle a pris d'autres formes. Aujourd'hui, je dirais que 20 ans après, le Digital Labor désigne trois types d'activités. D'une part, voilà, donc son acception plus ancienne, donc le travail invisible, le travail qu'on ne reconnaît pas, et encore aujourd'hui, par ailleurs, on le reconnaît de moins en moins. Hein, si vous regardez ce qui se passe sur une plateforme sociale comme Facebook, non seulement on produit des contenus, les photos de nos chatons, de nos vacances, etc., etc., mais on produit aussi énormément de données à côté, tout ce qui relève du share, du partage, du like, de l'aime, etc. Mais à côté de ça, il y a deux autres acceptions. Ça, c'est la version, c'est l'acception passive, disons. Ouais, voilà. C'est ça. On va y revenir dans un instant. Ce qu'on peut définir comme une version passive. Quand nous-mêmes, en tant qu'utilisateurs, on produit de la valeur, voilà, sans le savoir. Quand la fameuse expression, si c'est gratuit, c'est vous le produit. En fait, il faudra la transformer et dire, si c'est gratuit, c'est vous qui travaillez. C'est vous le travailleur. C'est vous le travailleur. Oui. Mais ceci dit, alors, voilà, à côté de cette version passive, il y a, encore une fois, c'est des choses qui se passent en même temps. Deux autres acceptions actuelles de Digital Labor. Donc, ce qu'on a déjà défini comme micro-travail, et qui consiste en gros à réaliser des tâches, des micro-tâches qui durent quelques secondes. Par exemple, regarder une photo et l'étiqueter. Ou alors, par exemple, regarder une vidéo et dire si cette vidéo est tirée d'un film comique ou d'un match de foot. Et tout ça, normalement, sert pour entraîner, on le dit, des intelligences artificielles, et c'est payé quelques centimes. Et à côté de ça, il y a encore une troisième activité qui de plus en plus rentre dans l'orbite, dans le périmètre du Digital Labor. Et ben, c'est ce qu'on reconnaît plutôt comme de l'économie à la demande, de la gig economy, de l'économie des plateformes. Ben, par exemple, d'un certain point de vue, un chauffeur Uber ou un livreur Deliveroo, et ben, c'est des travailleurs du clic, parce que une partie assez limitée en réalité de leur temps se passe au volant ou en train de livrer. Le reste du temps, ils produisent des data sur l'application de Uber ou de Deliveroo. De la géolocalisation. Voilà, ou des messages, ou des likes, des notes. On a parlé, Benjamin Bayard, et c'était d'ailleurs plutôt un terme positif de crowdsourcing, c'est-à-dire de source par la foule, par le citoyen, par les gens. Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire là-dedans, finalement, entre le crowdsourcing et le digital labor? Alors, il y a une différence fondamentale de valeur. Le crowdsourcing, le terme est resté, c'est en fait la partie noble du travail bénévole qui est fait en ligne. Par exemple. Eh bien, c'est par exemple le travail des gens qui rédigent Wikipédia. C'est par exemple le travail de pédagogie que je fais en ligne sur les réseaux sociaux quand j'explique, quand je décode. Je vois passer une actu sur les politiques parlent d'Internet, et puis je vais faire un fil de 30 ou 40 tweets ou un billet de blog pour expliquer, pour dire aux gens, attention, voilà comment ça se met en perspective. Tout ça, c'est du travail bénévole, d'explication du monde. Si je le fais tout seul, c'est juste moi qui suis bénévole. Si on s'y met à 10, c'est du crowdsourcing. Et l'exemple type le plus simple, c'est Wikipédia. Donc ça, c'est une version noble et hyper valorisée socialement de travail caché. Et il y a la version, évidemment, pas valorisée socialement, qui est tout ce que vous décriviez sur comment on donne du sens aux données. Si vous mettez 1 million de photos en ligne sans aucun commentaire et sans rien, ça n'a aucune valeur. Le même 1 million de photos, quand les gens ont dit ça c'est un visage, ça c'est un chaton, ça c'est une madame pas habillée, ça c'est un accident de voiture, ça c'est un panneau de signalisation, du coup les photos elles sont vachement intéressantes parce qu'elles portent de la donnée. Et la donnée elle vient pas de l'image, elle vient des commentaires, des informations autour. C'est intéressant. Alors pour parler, on va parler un instant de ce digital labor dans son acception passive, c'est-à-dire celle que nous faisons tous chaque jour en utilisant ces sites et ces plateformes. Il y a différentes... peut-être on peut revenir un peu, Antonio Casilli, sur cette idée que finalement, toutes ces grandes plateformes, Facebook, Twitter, Instagram, toutes ces plateformes gratuites que nous utilisons tous quotidiennement, nous leur donnons de la valeur. Sans nous, elles ne valent rien. Donc, comme vous le disiez, poster une photo de mes doigts de pied en vacances ou liker l'explication de Benjamin Bayard sur Facebook qui m'explique que cette loi, par exemple, est très mauvaise, tout ça, c'est produire de la valeur, c'est enrichir, en fait, Facebook. Oui, dans la mesure où ces plateformes se présentent comme participatives. Donc, elles demandent la participation de leurs utilisateurs et finalement, là-bas dans la plus simple manifestation, comme YouTube par exemple, elle demande surtout le contenu produit par les utilisateurs. Il s'agit grosso modo de médias tellement agiles, des médias sociaux tellement agiles qu'ils n'ont pas de ressources à elles. Et donc qu'est-ce qu'elles font? Bah, elles demandent à leurs utilisateurs d'apporter des ressources. Mais ce qui se passe, c'est que par rapport au passé, c'est, disons, la partie production de contenu est devenue moins importante que la partie production de données. Donc aujourd'hui, la valeur de ces plateformes est apportée par les utilisateurs, surtout par tout ce qui relève de l'échange qui est tellement invisible qu'on ne le voit même pas. Donc vraiment, le fait de partager, le fait de liker, le fait d'ajouter un tag, c'est-à-dire une étiquette sur un média comme Instagram, est quelque chose qui crée de la valeur, qui est non seulement de la valeur en termes de quelque chose de monétisable qu'on peut vendre, mais aussi quelque chose qui sert à entraîner des intelligences artificielles. Voilà. Alors comment est-ce qu'on entraîne, nous, ces intelligences artificielles, volontairement ou involontairement d'ailleurs? Et ces intelligences artificielles sont basées surtout aujourd'hui sur l'une des acceptions de l'intelligence artificielle, qui est le machine learning, l'apprentissage automatique. Qui dit apprentissage dit aussi enseignement. Quelqu'un doit enseigner à ces machines à faire ce qu'elles promettent de faire. Et donc imaginez par exemple un véhicule autonome qui est capable de reconnaître un autre véhicule ou un piéton ou un panneau de signalisation. Quelque part, quelqu'un doit avoir proposé à cette machine de type particulier des millions d'exemples situations qu'elle pourrait rencontrer. Et donc quelqu'un, quelque part dans le monde, est en train de taguer, étiqueter, détourer, comme on dit parfois, ces images pour enseigner à ces machines à faire ce qu'elles promettent de faire. Un autre exemple peut être, par exemple, les assistants vocaux. Alexa, Siri sont des logiciels qui interprètent la voix humaine. Quelqu'un doit enseigner à ces logiciels à le faire. Comment? Par exemple, en lisant des retranscriptions de conversations en situation naturelle, donc vous et moi qui échangeons autour de, je sais pas, l'eau ou la météo, et sur la base de ces retranscriptions, quelqu'un enseigne des scripts, des scénarios à ces intelligences artificielles qui, par la suite, vont poursuivre toutes seules, soi-disant, leur travail. Ça veut dire, c'est vrai que on cite souvent l'exemple Benjamin Bayard hein, de ce qu'on appelle les captchas, c'est-à-dire ces espèces de, quand on nous demande de cliquer pour dire qu'on n'est pas un robot, en fait on apprend quand on fait ça, quand je dis là il y a une voiture, là il y a un feu rouge, là il y a un panneau de signalisation, en fait je suis en train d'apprendre une machine. Alors à moitié oui et à moitié non, parce que sinon vous pourriez cliquer au hasard et puis ça permettrait d'apprendre des choses fausses aux machines et ce serait très drôle. C'est vrai. Il faut pas s'en priver. mais en fait il se trouve que c'est pas comme ça que ça marche. Il y a une partie des images qui sont déjà étiquetées, qui ont déjà été étiquetées par d'autres utilisateurs, et vu que 85% des gens ont dit que dans tel carré il y avait une voiture, il y a quand même probablement une voiture. Si vous dites le contraire, vous êtes peut-être un robot. Donc c'est pas complètement que mon clic à moi qui certifie que ceci est une voiture, c'est le fait que la même image va être proposée à des milliers de personnes et qu'on va corréler à quel point je dis à peu près le même mensonge que tout le monde et donc à quel point j'ai l'air d'être un humain sérieux. Mais oui, ça c'est une forme de l'apprentissage. Mais il y en a forcément des montagnes. Moi j'ai des souvenirs de l'époque lointaine où j'ai travaillé sur des réseaux de neurones et en fait pour le moindre petit bout de réseau de neurones asthmatiques de l'époque, il y a 20 ou 25 ans, on faisait rien de sérieux en dessous de 130 ou 140 000 échantillons quand on voulait essayer de lui faire différencier une clé à molette d'un marteau sur une image en noir et blanc simple, sans contraste, sans rien. Et 140 000 échantillons, enfin voilà, faut les faire. Et ça veut dire qu'il faut les étiqueter. Ça veut dire qu'il faut les étiqueter à la main. Ça veut dire qu'il faut en présenter 150 000 qu'il a vu, sur lequel on a entraîné le réseau de neurones. Puis après, il faut en présenter 150 000 qu'il n'a jamais vu. Et on va regarder à quel point il raconte des sottises. Et si on arrive à ce que 99 fois sur 100, il arrive réellement à différencier le marteau de la clé à molette, on est super content. Puis le pourcent qui marche pas, tant pis. Ouais. C'est exactement ça, en ligne de principe. Ce qu'on appelle aujourd'hui intelligence artificielle relève plutôt de l'apprentissage statistique. C'est-à-dire, il faut frotter suffisamment d'exemples et de données, finalement, sur un phénomène pour voir émerger une quelque forme de régularité statistique. Et sur la base de ça, on va avoir un logiciel qui, grosso modo, va réaliser cette action de manière dite automatique. Ce qui se passe, par contre, est que quand on dit que je dois produire suffisamment d'exemples, voilà, il faut que quelqu'un les produise. Il faut qu'un être d'êtres humains, quelque part, voire des masses d'êtres humains, se tuent à la microtâche pour réaliser ce type de, pour nourrir ce type de base de données. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, ouvre la déferlante du digital à bord, surtout parce que c'est à ce moment-là que la frontière entre un travail qui est entièrement noble et volontaire et bénévole et le travail qui est par contre subi et micro-rémunéré et exploité se brouille. L'exemple est, c'est vraiment Wikipédia. Wikipédia est un exemple merveilleux de contribution humaine à une masse de savoir, mais c'est aussi aujourd'hui la base de données sur laquelle les moteurs de recherche de Google se servent pour vérifier certaines informations, voire Facebook pour vérifier de manière absolument sous optimal, on va dire, les fake news. Donc du coup, on se retrouve d'une part face à la générosité de millions de personnes et de l'autre face à la cupidité de certaines plateformes qui sont capables de récupérer, d'exploiter en termes capitalistes cette générosité collective. Ça, c'était pour la version passive. On va passer à l'autre versant, ce digital labor actif. En fait, il faut que vous nous expliquiez, Antonio Casilli, plusieurs grands noms d'Internet, on peut les citer si vous le souhaitez, ont créé des plateformes de micro-travail. C'est-à-dire que si je veux un complément de revenu, donc c'est dans ça que ça ressemble beaucoup à Deliveroo ou à Uber ou à ces autres plateformes, donc à l'ubérisation du travail, ben si je veux, si je sais pas quoi faire la nuit entre 3h et 5h du matin, que je fais une insomnie, je vais aller faire quelques clics pour me faire de l'argent de poche. Et oui, parce que figurez-vous que quand Google s'est rendu compte que voilà, les personnes n'étaient pas toujours là pour réaliser des captcha et Facebook s'est rendu compte que les gens n'étaient pas toujours là pour taguer des images, et bah ils ont aussi trouvé une parade très vite d'ailleurs, c'était au début des années 2000 d'ailleurs, que la parade consiste à créer des plateformes dans lesquelles ils donnent des incitations économiques aux gens qui auraient fait ça de manière passive mais volatile, et donc des incitations économiques qui consistent à les payer quelques pour réaliser des tâches qui durent quelques secondes. Et donc, du coup, on a aujourd'hui des plateformes spécialisées. L'exemple le plus limpide et connu est certainement Amazon Mechanical Turk de Jeff Bezos. Jeff Bezos a créé cette plateforme sur laquelle, si vous êtes une entreprise, vous voulez automatiser un processus, imaginez votre comptabilité, ou vous voulez anonymiser tous vos CV, vous vous rendez là-bas, donc sur Amazon Mechanical Turk, et vous recrutez, vous n'embauchez pas parce qu'il ne s'agit pas d'un emploi formel, vous recrutez des centaines de milliers de personnes qui, à la main, vont anonymiser vos CV. Alors vous me dites, normalement on a des intelligences artificielles qui le font, justement non, parce qu'il faut que quelqu'un enseigne aux intelligences artificielles à le faire. Et pendant le temps de cet apprentissage, il n'y a pas d'intelligence artificielle à proprement parler. Voire, selon ce qu'il dit Jeff Bezos, il y a de la artificial intelligence, c'est de la fausse intelligence artificielle. Parce que le principe du turc mécanique, qui est en fait une métaphore... Rappelez-le, parce que je trouve qu'il y a eu quand même un soupçon de cynisme dans le nom de cette entreprise, qui est assez intéressant. Rappelez-nous ce que c'est que ce turc mécanique en quelques mots. Cynisme entièrement assumé de la part de Jeff Bezos. Donc le turc mécanique était un robot joueur d'échecs du 18e siècle. Il était censé être la première intelligence artificielle parce que c'était un robot qui simulait le processus cognitif d'un joueur d'échecs humain qu'il était capable de battre. Mais petit problème, il y avait un être humain qui se cachait à l'intérieur. Et qui est cet être humain qui se cachait ? Eh bien, il y a plusieurs hypothèses. Aucune de ces hypothèses ne disait qu'il s'agissait d'un grand master, d'un grand maître des échecs. Il y avait toujours des hypothèses du type c'était une personne atteinte d'un handicap et donc qui avait perdu ses jambes et qui pouvait donc rentrer dans la machine. Ou alors un enfant très mince. Ou alors Edgar Allan Poe, qui était un raciste phénoménal, disait qu'il s'agissait d'un Italien bossu. À l'époque, c'était l'incarnation du migrant brun et en l'occurrence atteint d'un handicap. Et donc pourquoi je dis ça ? Parce qu'à chaque fois, l'idée était qu'il ne s'agissait pas d'un travailleur noble. Il ne s'agissait pas d'une personne dotée d'un génie tel qu'il était capable de battre les autres êtres humains, il s'agissait toujours d'un travail déqualifié, d'une personne qui était considérée comme moins qualifiée que ces sublimes. Et c'est le même principe de Amazon Mechanical Turk. Les personnes qui travaillent sur Amazon Mechanical Turk ne sont pas des ingénieurs, ne sont pas des experts. Au contraire, il s'agit de personnes qui ne doivent pas connaître la réponse à la question qu'on leur pose. Parce que sinon, ils risquent de biaiser le résultat. Mais finalement, Benjamin Bayard, si on résume un peu ce principe, on a des grosses plateformes qui ont besoin d'entraîner leur intelligence artificielle. Comme vous l'avez dit pour l'exemple de la clé à molette et du marteau, ça demande un nombre énorme, gigantesque aujourd'hui d'occurrences pour que l'intelligence artificielle apprenne. De l'autre côté, on a des gens qui cherchent à se faire un peu d'argent en restant chez eux, avoir un complément de salaire. Où est le problème ? Alors en fait, il y en a des tas des problèmes. Je vais commencer par le plus simple. Une fois que vous avez fini d'entraîner votre intelligence artificielle avec des images bidons, vous lui montrez la première image de la vraie vie et elle reconnaît rien du tout. Une fois que vous avez passé des années à entraîner Alexa à comprendre ce que dit le monsieur du laboratoire dans un micro parfait avec un technicien son, la moindre voiture qui fait pouet-pouet à côté, et Alexa comprend plus rien. La moindre personne qui n'articule pas bien, qui est en train de mâcher un chewing-gum en même temps, qui se gratte la joue pendant qu'elle parle, et Alexa ne comprend plus rien. Comment on fait ça ? Comment on traite ? Toutes les fois où Alexa ne comprend pas. Eh ben en fait, toutes les fois où Alexa ne comprend pas, on enregistre la bande son et puis on la fait écouter à des humains et on demande aux humains de transcrire et on va rentrer ça dans la base d'apprentissage de la version suivante. Oui, mais attention, parce que le bidule à commande vocale, le OK Google de votre téléphone, il écoute en permanence chez vous. Il y a des tas de moments où il comprend pas. Il croit que vous avez dit OK Google et puis c'est pas le cas. Mais du coup, ça, on l'enregistre, on l'envoie et puis on va l'analyser. C'est-à-dire qu'en fait, on enregistre ce que vous dites chez vous, ce que vous dites en croyant parler à un objet qui est le vôtre, et puis on va le faire écouter à d'autres humains ailleurs pour autre chose. Alors ça, on entend bien, voilà, on a un problème. Rien qu'en termes de vie privée, là. On entend bien qu'il y a un problème en termes de vie privée. Mais je veux dire, sur le modèle de travail que ça représente, c'est de dire qu'on a d'un côté, je vais faire de l'économie pour les béotiens, si vous me permettez, puisque moi-même n'étant pas économiste, on a d'un côté des gens qui ont un besoin de beaucoup de main d'œuvre, de main d'œuvre très nombreuses. On a de l'autre côté des gens qui ont un besoin qui est un besoin de complément salarial. On va voir que il y a des gens qui ne font que ça et qui viennent évidemment des cas limites, mais ces cas sont des cas limites dans l'ensemble. Pourquoi tout ça s'équilibre finalement plutôt pas mal. Où est le problème? Où est le problème socio-économique là-dedans en fait? En fait, le problème socio-économique là-dedans, il est à la fois très simple et très compliqué. En fait, on a une très grande structure qui est en train d'exploiter des gens qui n'ont aucun moyen et qui ne sont rien, qui sont même pas salariés, qui peuvent même pas se revendiquer de la convention collective de l'entreprise, qui peuvent pas dire « mais c'est l'heure de ma pause ». Donc en fait, on a des gens qui n'ont absolument... Mais qui choisissent aussi de travailler quand ils le veulent, qui sont chez eux, je fais une insomnie, je me lève, je vais travailler. Curieusement, c'est jamais des cadres qui choisissent ça. Curieusement, c'est jamais des gens diplômés. Curieusement, c'est jamais dans les pays riches. C'est toujours des pauvres qui choisissent ça. La version non rémunérée du travail, ou très mal rémunérée, ou rémunérée dans de très mauvaises conditions, c'est toujours les pauvres. Alors effectivement, ça peut être un gamin qui s'amuse à faire $3 d'argent de poche, mais il y a d'autres façons de faire $3 d'argent de poche mieux rémunérés sur Internet. C'est s'il est un peu malin, il trouvera mieux que ça à faire. Donc il y a un vrai biais social énorme là-dedans. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est la façon dont les très grandes entreprises, les plus riches des entreprises sur Terre, vendent au milieu socialement aisé, c'est-à-dire typiquement les cadres des grands pays développés, des solutions soi-disant d'intelligence artificielle qui en fait s'appuient sur l'exploitation pas assumée des personnes les plus pauvres de la planète. Il y a là un espèce de grand écart absolument pas assumé dans le fait que ce qui me permet d'avoir une commande vocale chez moi pour piloter la température de mon chauffage, c'est une personne exploitée ou surexploitée quelque part en Afrique du Nord dont j'entendrai jamais parler. Alors je vais vous faire réagir aussi Antonio Casilli, mais je vais vous faire réagir. On a reçu cet après-midi le mail d'un auditeur qui nous disait que l'émission l'intéressait et que lui-même avait travaillé pour un sous-traitant de Google. Et voilà ce qu'il nous dit en substance. Il nous dit que finalement il était entre deux emplois, qu'il était payé 14 euros brut de l'heure, qu'il avait réussi à gagner entre 800 et 900 euros par mois pendant une période, donc justement entre deux travaux, et que par ailleurs ça lui permettait de dire qu'il avait travaillé pour Google et pour son intelligence artificielle. Donc une fois de plus, pourquoi est-ce que cette situation-là poserait problème ? Alors, ça pose problème parce que, en réalité, face à une personne qui s'en tire relativement bien, parce que effectivement, ça s'articule avec des exigences qu'il avait, il y en a des millions, véritablement des millions, qui par contre sont forcés à accepter cette situation. Ce que Benjamin dit à propos du fait que, voilà, effectivement, il y a une exploitation de pays tiers, pourrait en partie expliquer expliquer pour quelles raisons un auditeur français installé dans un pays riche n'a pas le même type d'expérience de quelqu'un qui vit aux Philippines ou en Inde. Même si je mets beaucoup de bémols. Le bémol, je le mets même entre guillemets en falsifiant certaines choses que j'ai dit. Au début de 2019, j'ai publié un livre qui s'appelle « En attendant les robots » dans lequel je décris exactement ce type de système d'exploitation planétaire. Et j'insiste beaucoup sur le fait qu'il y a une asymétrie énorme entre les pays du Nord qui produisent de l'intelligence artificielle en achetant des microclics et, par contre, des pays du Sud global qui sont des fournisseurs de travailleurs pauvres. Ce qui se passe, ce qui s'est passé dans ma propre expérience scientifique, est que quelques mois après, j'ai terminé avec mon équipe une enquête sur le microtravail en France. Et la surprise, on a découvert qu'il y avait 260 000 personnes qui travaillaient en France sur ces plateformes-là, des plateformes comme voilà, donc des sous-traitants de Google comme Lionbridge, Appen, ou des plateformes franco-françaises comme Isait ou Full Factory. 260 000 personnes qui, par contre, n'étaient pas mieux placées du point de vue de leur précarité que les autres. C'est-à-dire qu'on a découvert, par exemple, que 22% de ces personnes-là vivaient en dessous du seuil de pauvreté. 8%, c'est la moyenne nationale. Que 51% étaient des gens issus de classes populaires, alors que le niveau national, c'est plutôt 30%. Donc, du coup, vous voyez, on se heurte à des problèmes de précarisation et de paupérisation de toute une nation et de toute une planète. It's been a hard... Hard Day's Night par les Suprêmes sur France Culture à 16h35. Oui, working like a dog, c'est un peu le thème de notre émission du jour. Travailler comme un chien dans ce digital labor que nous détaillons et que nous explorons aujourd'hui en compagnie d'Antonio Casilli, professeur à Télécom Paris, Institut Polytechnique de Paris, et avec Benjamin Bayard, président de la Fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatif et cofondateur de la Quadrature du Net. Alors, peut-être avant, on va aller faire un tour dans l'une de ces entreprises qui fait du crowdsourcing et de l'externalisation, puisque ce sont les termes qui sont employés par l'entreprise. Mais j'aimerais peut-être qu'on dise un mot, alors je ne sais pas qui a le plus de chiffres en tête. Vous avez donné à l'instant, Antonio Casilli, quelques chiffres. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait, par exemple, quelle est la proportion des gens qui sont en micro-travail à temps plein, c'est-à-dire qu'ils ne font que ça, ça reste une minorité? Alors, la réponse est non, on ne le sait pas, mais en même temps, on tente de porter des estimations. Et donc, au niveau international, sur la base de données qui ont été publiées depuis plusieurs années par la Banque mondiale et par les plateformes mêmes, après, il y a aussi eu des enquêtes, on est face à une réalité qui concerne plusieurs dizaines de milliers, de millions, pardon, de personnes. On parle de 100 millions de personnes à l'échelle mondiale. Voilà, c'est les chiffres que j'ai. Ça, c'est une estimation qui, effectivement, est la fourchette haute. Après, la question est que ce travail est inégalement distribué. Et donc, il se concentre surtout dans des pays tiers. Donc, il y a des pays qui ont été analysés, sur lesquels on a des chiffres un peu plus solides. Voilà, par exemple, l'Inde, des endroits, des hubs comme Bangalore, Hyderabad, c'est vraiment des centres où il y a des millions de personnes qui travaillent sur ça. La Chine, pardon, est devenue non seulement un pays qui produit du micro-travail, mais aussi un pays qui produit de l'intelligence artificielle. Et Et dernièrement, on a aussi des nouveaux arrivants qui sont, par exemple, l'Amérique du Sud. Un pays comme le Venezuela est devenu l'un des champions mondiaux du micro-travail. Ceci dit, à côté de cela, on a du micro-travail même dans les pays du Nord. On a du micro-travail en Espagne, on a du micro-travail en France, donc on parle plutôt de 260 000 personnes. On en a en Allemagne pour entraîner les véhicules autonomes produits par le secteur automobile très fort de ce pays. Selon les chiffres, enfin en tout cas le rapport de la Banque mondiale qui est paru en 2015, je me retourne vers vous, Benjamin Bayard, parce que vous me disiez tout, les gens qui ont recours au micro-travail sont systématiquement les gens les moins diplômés, les plus pauvres. 70% des usagers auraient moins de 35 ans, déjà une occupation principale et généralement un bon niveau d'études. Voilà ce que dit la Banque mondiale. J'y crois assez peu parce que ça me paraît pas cohérent. J'ai les gens qui ont un bon niveau d'études, quand ils ont besoin de gagner 3 sous, ils ont des moyens plus simples et plus efficaces de le faire. Et en même temps, c'est complètement cohérent avec nos données pour la France. Effectivement, c'est plutôt des gens qui sont bien diplômés, qui ont un bac plus 2. Et la raison, c'est encore plus inquiétant. En réalité, cela pointe vraiment une difficulté d'accéder au marché du travail pour des personnes qui normalement seraient bien placées pour avoir un bon emploi salarié. Donc ça pointe une situation de dégénérescence des conditions de travail pour des pans de plus en plus importants de la population mondiale. Toujours ces chiffres, hein, croissance de micro-travailleurs de 25 à 30% par an, donc une croissance quand même démentielle, démesurée. Ça c'est un chiffre qui vient par contre du Oxford Internet Institute et c'est un économiste qui par contre met dans la catégorie du micro-travail aussi certaines formes de freelance. Donc il y a des bémols là. Pour la Direction générale des politiques internes du Parlement européen, les micro-travailleurs donc en Europe ne gagnent que 3,31 $ de l'heure. Dans les pays les plus riches, ils gagnent moins que le salaire minimum. Oui, en effet, là, il y a vraiment un décalage important entre ce qu'on peut gagner sur une plateforme si vous êtes un citoyen européen. Donc, on vous offre normalement des tâches mieux rémunérées, donc quelques dollars ou quelques euros. Par contre, moi-même, j'ai vu des personnes qui travaillaient au clic en Indonésie et qui étaient payées 0,00008 € pour réaliser un clic. Et dernier chiffre, et alors là qui vient contredire un peu ceux de la Banque mondiale, de cette Direction générale des politiques internes du Parlement européen, un tiers des personnes en Europe qui font du micro-travail, c'est leur principale source de revenus. Alors, un tiers, 32%. Oui, c'est assez cohérent avec, par contre, ce qu'on a vu en France, dans lequel 60% des personnes qu'on a interviewées avaient un emploi principal. Donc, c'était un complément, mais en même temps, voilà, il faut quand même considérer que c'est un complément ô combien nécessaire. C'est pas quelque chose qu'ils font pour le fun, c'est quelque chose qui sert parce qu'ils n'arrivent pas à la fin du mois. Alors, bien, justement, nous sommes allés voir comment ça se passe à l'intérieur de ces entreprises qui font donc du crowdsourcing et de l'externalisation, puisque c'est la terminologie employée par l'entreprise que vous êtes allé visiter. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez rencontré les fondateurs donc de Full Factory que mentionnait tout à l'heure Antonio Casilli, qui sont un peu les spécialistes français de ce micro-travail externalisé. Oui, WIRC même, c'est le nouveau nom de Full Factory, cette entreprise qui a fait du micro-travail et de l'externalisation des tâches sa spécialité, notamment les tâches dites de back-office, c'est-à-dire en lien avec toutes les entités d'une entreprise qui ne sont pas en contact direct avec les clients. J'ai donc rencontré Daniel Ben Walid, qui est le cofondateur de WIRC. Il nous explique en quoi consiste l'offre de son entreprise. Il nous décrit également qui peut participer aux micro-tâches et quelles sont les conditions des quelques 50 000 micro-travailleurs qui font partie des micro-travailleurs de WIRC. Le but pour nous, c'était de se dire comment est-ce qu'on améliore un peu la productivité sur des tâches de back-office. On voyait qu'il y avait beaucoup d'externalisations qui étaient réalisées dans des pays à bas coût. Et on voyait qu'on restait quand même parfois inefficace chez certains prospects, clients, des partenaires qu'on avait à l'époque. Et donc on s'est dit, finalement, mutualisons un peu tous ces besoins et essayons de voir comment est-ce qu'une communauté en France pourrait y répondre. C'est comme ça un peu qu'on a bâti Full Factory il y a 5 ans maintenant. Et puis il y a un an, on s'est rendu compte, au fur et à mesure de l'expérience qu'on a acquis, on s'est forgé la conviction que finalement, la productivité des back-office, elle passe pas seulement par l'externalisation, ni par une communauté, mais aussi par des outils et par de l'intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui, avec WIRC, on a bâti cette offre un peu en triptyque, en se disant, on a l'intelligence artificielle maintenant, on a l'externalisation vers une communauté de freelance en France, et on a aussi les meilleurs outils pour permettre au back-office, même chez nos clients, de traiter de manière la plus efficace possible ces fameuses tâches un peu répétitives et pas encore automatisables. Si on parle de ces freelances-là, combien de personnes contribuent, font partie de cette communauté dont vous parlez ? Donc la communauté des fouleurs, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Aujourd'hui, c'est 50 000 inscrits sur la plateforme. C'est 20 000 actifs au sens mensuel du terme qui vont contribuer au moins à une tâche par mois. Et à part ça, on a une liste d'attente de 110 000 personnes aujourd'hui. À quoi correspondent ces tâches en règle générale ? Combien de temps ça leur prend ? Voilà, quel type de travail ils fournissent ? La force de notre plateforme, c'est aussi la variété des cas qu'on propose de résoudre à nos clients. Donc sur la partie, ce qu'on appelle chez nous, en tout cas pour nos clients, ce qu'on appelle les apps, c'est les applications qu'on va automatiser. Il y en a 400 aujourd'hui sur notre plateforme, donc il y a 400 cas d'usage qu'on se propose d'automatiser. La moitié de ces cas d'usage, on va les automatiser par l'intelligence artificielle. L'autre moitié, donc 200 cas d'usage, qu'on va automatiser, entre guillemets, par l'externalisation vers cette fameuse communauté. Dans ces 200 cas, je vais avoir de la modération de commentaires, je vais avoir parfois du détourage, je vais avoir peut-être de l'extraction d'informations depuis un document. C'est, voilà, il y a des clients qui nous envoient des contrats et il faut extraire de ces contrats des informations qui pourront leur être utiles pour ensuite les traiter de manière plus agile. Voilà, donc les cas sont extrêmement variés. La tâche typique chez nous, on l'a calculée, c'est une tâche qui dure en moyenne 30 à 45 secondes. Donc c'est plutôt ce qu'on appelle une tâche chez nous, c'est plutôt quelque chose de relativement court. Et le volume moyen, enfin le nombre de tâches moyen postées par un client sur un besoin, en général, c'est autour de plusieurs dizaines de milliers de tâches. Donc en fait, nos clients font appel à nos services lorsqu'ils ont des projets qui viennent dans des grands volumes pour des traitements unitaires relativement courts. Et de l'autre côté, les contributeurs, donc la tâche, on l'a dit, en moyenne, prend 30 à 45 secondes. Et quand ils font une session sur la plateforme, ils en traitent en moyenne plusieurs dizaines. On a une forme d'éthique, en réalité, dans la manière dont on a construit notre plateforme. Et c'est de se dire notamment qu'il faut qu'il y ait une correspondance entre les volumes de traitement qui sont demandés par nos clients et la taille de la communauté. Si j'ai un client qui nous dit, j'ai 100 tâches à 1 euro à faire réaliser, donc j'ai 100 euros à distribuer, grosso modo. Si en face, j'ai une communauté de 100 personnes, le gain moyen pour chaque personne de cette communauté va être de 1 euro. Si par contre, cette communauté, on laisse tout le monde s'inscrire et que finalement, il y a 1000 inscrits, finalement, le gain moyen va être seulement de 10 centimes. Et donc, pour éviter que le gain moyen soit trop faible, on a décidé de réguler, entre guillemets, l'entrée et donc de créer cette fameuse liste d'attente et de rester pour le moment sur ce chiffre de 50 000 qui est pour le moment suffisant pour traiter l'ensemble des besoins de nos clients. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui vous disent que, d'une certaine façon, avec ce micro-emploi de micro-travailleurs, on maintient d'une certaine forme de précarité chez ces personnes qui participent à ces tâches-là, qui ont des faibles rémunérations? On a eu la chance ou la malchance de ne pas arriver les premiers sur ce marché-là, et donc on a vu un certain nombre de nos concurrents, comme Amazon Mechanical Turk ou comme Figure 8, et la gestion qu'ils ont fait de leurs opérations. On a décidé que chez nous, ça se passerait pas comme ça, et donc de mettre un certain nombre de garde-fous pour s'assurer qu'il y ait une forme de symétrie entre nos clients et les contributeurs, à la fois dans les traitements et dans la manière dont on gère les opérations. D'abord, on laisse le choix. Les contributeurs aujourd'hui viennent sur la plateforme, ils traitent des projets s'ils le souhaitent. S'ils ne le souhaitent pas, ils n'en sont absolument pas pénalisés. Ils traitent les projets qu'ils souhaitent traiter, et quand ils le veulent, entre guillemets, en tout cas quand il y a des projets qui sont disponibles, et dans des volumes qu'ils choisissent. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est qu'on souhaite que ça reste du complément. Donc nous, on limite chez nous les gains à 3000 euros par an. Donc ça, c'est une limite qu'on se fixe, qui vaut ce qu'elle vaut. Mais en tout cas, on se dit, ça peut pas être un job, entre guillemets, à plein temps. Voilà ce reportage dans les locaux et avec le fondateur de Wirk, ex Full Factory. C'est intéressant, j'aimerais peut-être simplement votre réaction l'un et l'autre. On entend qu'il y a un certain nombre de préoccupations éthiques qui ont été formulées. Est-ce que ça fait la différence, Antonio Casini ? Alors, ça fait la différence dans la mesure où c'est une plateforme qui concerne vraiment le marché français, même pas francophone, c'est français. Donc déjà, les formes les plus extrêmes de externalisation et délocalisation vers des pays tiers, bon, ne sont pas au rendez-vous. Par contre, effectivement, il y a le même type de problème de mise au travail de masse de personnes en France pour des raisons, enfin surtout pour des tâches qui sont trop petites pour qu'elles puissent effectivement représenter un salaire décent. Bien sûr, mais on entend bien qu'il y a une limite, on l'a entendu à l'instant, qu'il y a une limite de 3 000 euros par an, donc que ça ne se veut pas un substitut au travail. On voit bien que c'est du revenu complémentaire, qu'il y a aussi une limitation du nombre de micro-travailleurs pour garantir un salaire suffisant. Donc on voit bien qu'il y a tout de même des préoccupations qui permettrait à des gens justement de pouvoir compléter leur salaire quand ils sont pas suffisamment bien rémunérés dans leur activité principale. Où est le problème à ça? Le problème est tout simplement que tout ça fait partie d'une énorme entreprise de mise à distance de ce travail en tant que travail. C'est-à-dire qu'on fait tout pour montrer que c'est pas un travail principal. Il y a des personnes qui malheureusement se basent sur ces micro-tâches pour obtenir l'argent dont elles ont besoin. Je dis elles aussi parce que dans notre dans les personnes que nous avons étudiées, il y avait 56% de femmes qui en plus avaient 1, 2, 3 enfants. Donc dans ces situations-là, face à la dégradation des conditions salariales et des conditions de travail en France, ce type de plateforme-là n'est pas la panacée et surtout c'est pas une vacance, c'est pas un congé, c'est pas un hobby ni un passe-temps, c'est une activité qui malheureusement s'avère nécessaire. Mais ça c'est l'état de la société, Antonio Casilisi. On peut pas reprocher. Ça. Mais bien sûr, mais on peut pas reprocher à ces entreprises de permettre à un certain nombre de personnes, ou par exemple, effectivement, de profiter. Alors, je ne sais pas, ça, je vous laisse ce mot-là, mais je vais me retourner vers Benjamin Bayard. Tiens, c'est vrai, pourquoi, finalement, quand on est, justement, par exemple, qu'on peut se permettre de travailler 1 ou 2 heures, 3 heures par jour chez soi, parce qu'on a des enfants à charge, parce qu'on fait un autre boulot à côté, parce qu'on prend un peu de temps pour compléter, parce qu'on fait de l'intermittence, parce qu'on a un salaire irrégulier. Finalement, quel est le mal à récupérer un peu d'argent par ces biais-là? Je suis désolé d'insister, mais enfin bon. Alors, même. Vous voyez, moi, chez les gens qui font ce micro-travail, je vois pas de mal. Chez les gens qui en tirent profit, en revanche, il y a autre chose. Le fait d'exploiter des travailleurs pauvres, ça peut pas être considéré comme bien. On considérait dans l'Angleterre victorienne que le bon bourgeois qui lâchait une pièce au mendiant pour aller lui chercher une calèche était bien gentil et que il donnait un peu de travail à ce pauvre bougre. On peut penser que la société française a un petit peu progressé par rapport à cette époque ancienne. Manifestement, c'est pas le cas. Mais il y a des vrais problèmes très sérieux là-dedans. Moi, je me pose des tas de questions sur c'est quoi la couverture sociale qui est associée à ce travail-là, parce que c'est quand même du travail. En vrai, c'est du travail, hein, c'est bien du travail qui est fait pour des entreprises. Une entreprise qui aurait 50 000 travailleurs à temps partiel aurait tout un tas de questions réglementaires, d'obligation d'avoir un comité d'entreprise, d'obligation d'avoir des normes sociales à respecter sur les horaires de travail, sur le fait qu'il doit y avoir au moins 11 heures de pause entre 2 journées de travail. Enfin, vous voyez, 1001 règles, on appelle ça le code du travail. Oui, mais faire travailler 50 000 personnes sans respecter. Dans le code du travail français, il y a un statut qui a été créé par un président récent, Nicolas Sarkozy, qui s'appelle le statut de micro-entrepreneur. Statut de micro-entrepreneur aujourd'hui ou d'auto-entrepreneur. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas exploité par un certain nombre d'entreprises pour permettre justement à des gens de trouver une forme de rémunération complémentaire. Un auto-entrepreneur, c'est quelqu'un qui est une entreprise. Le micro-travailleur, il n'est pas une entreprise, il est bien aux ordres d'un patron. Et d'ailleurs, dans le cas de Full Factory, d'un patron unique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes auto-entrepreneur et aux ordres d'un patron unique et que ça tombe devant la justice, c'est requalifié en salariat. C'est du salariat. Quel est le statut de ces micro-travailleurs, justement, en France ça dépend de la plateforme, mais même pas du pays. Alors, dans l'occurrence, on a certaines plateformes comme Full Factory qui proposent, qui proposent d'être des micro-travailleurs, d'autres qui vous proposent d'être des... Micro-travailleurs, ça veut dire avec une couverture sociale, avec de la cotisation avec de la cotisation que vous faites vous-même, et surtout vous avez un seuil que vous pouvez pas dépasser, c'est-à-dire de 3 000 euros, je pense, par an, au-delà de quel vous n'êtes plus autorisé à travailler. L'autre question est, par exemple, le fait que si vous regardez dans les conditions générales d'usage de ces plateformes, chaque plateforme propose un nom différent pour ces personnes pour ne pas les appeler travailleurs. Amazon parle de participants. Hein, donc Amazon Mechanical Turk parle de participants, d'autres parlent de usagers, d'autres parlent de partenaires, comme par exemple le fait Uber, voilà, qui qualifie ces personnes de partenaires. Enfin, on fait tout pour utiliser une sémantique qui ne parle pas de travail, pour se soustraire à le risque de la réqualification. Donc de se trouver effectivement face à des personnes qui disent, bah écoute, ces personnes-là travaillent X heures par mois, ces personnes-là dont leur revenu dépend effectivement de ça. Donc du coup, on se trouve face à quoi ? On se trouve face à une situation qu'on appelle de indépendant, mais économiquement dépendant, qui est une situation malheureusement très répandue et qu'on cherche même à encadrer du point de vue légal, et on est encore loin de ça. Enfin, la métamorphose du marché du travail, ce n'est pas ces sociétés-là qui en sont responsables, elle est réelle. Aujourd'hui, on voit bien que la notion de travail à vie, de CDI, elle est de plus en plus lointaine, elle appartient à une autre forme de rapport quotidien à travail. On ne rentre plus aujourd'hui dans une entreprise pour en sortir à la retraite. Enfin, tout ça, le marché du travail, il a muté. Il est normal que ces sociétés-là s'adaptent et accompagnent cette mutation du marché du travail, Benjamin Bayard, non ? En fait, je me pose souvent la question dans l'autre sens. Chez moi, il y a une question récurrente qui est de savoir à quel moment l'ordinateur est un outil d'émancipation et à quel moment l'ordinateur est un outil d'oppression. Et en l'espèce, utiliser ces plateformes qui ne peuvent fonctionner que de manière informatique, c'est un excellent moyen de faire en sorte de faire travailler 50 000 personnes sans qu'elles se rencontrent, donc sans qu'elles risquent de créer un mouvement social, donc sans qu'elles puissent avoir de revendications, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise l'ordinateur pour opprimer, mais en deux temps. Il y a une entreprise cliente qui achète les tâches à une entreprise qui va dispatcher ça sur 50 000 personnes qui ne se voient jamais. Et en fait, là, on a créé un pur outil d'oppression. D'ailleurs, je trouve ça très intéressant parce que c'est en miroir complet de ce que je racontais tout à l'heure sur les assistants vocaux, où on a un outil qui permet d'oppresser les travailleurs qui vont réellement faire les analyses du contenu, qui permet de surveiller la population qui s'en sert. Et d'un autre côté, effectivement, si on perd d'une main, on peut aussi penser qu'on gagne de l'autre en gagnant en liberté, en travail à domicile, en gestion de son propre temps de travail, en gestion de ses différents employeurs. Donc, je ne sais pas, Antonio Casilli. Écoutez, surtout la question de la flexibilité du temps est une question qui est, à mon sens, extrêmement ambiguë. Parce que souvent, quand vous lisez que ces personnes acceptent de faire ce travail-là parce qu'ils peuvent travailler à leurs heures ou quand ils veulent, etc., etc., on s'imagine que c'est le triomphe de la liberté. Au contraire, étant donné qu'il s'agit souvent de personnes qui ont une certaine fragilité, une certaine vulnérabilité à cause de leur propre statut, la flexibilité devient une nécessité. Je vous donne l'exemple typique, qui encore une fois est tiré de nos recherches. Une mère qui a déjà une activité principale et qui a en plus deux enfants et qui réalise donc un premier travail rémunéré, c'est son emploi principal. Après, il y a du travail domestique et après, il y a une troisième journée de travail qui commence quand le soir, elle se met face à son ordi et réalise des micro-tâches. C'est elle qui a choisi de le faire le soir, certes, mais elle se trouve dans l'obligation de réaliser cette activité. Et c'est la même, effectivement, aspiration à la flexibilité qui est caractéristique des personnes qui se trouvent dans des situations de plus forte vulnérabilité. On a un auditeur qui nous parle d'une notion qui est effectivement une notion intéressante, celle de contribution sur rétribution. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans ce contrat social moderne qui est le nôtre, finalement, à partir du moment où la rétribution est équitable, pourquoi est-ce qu'il y a un problème, Benjamin Bayard ? En un mot, parce qu'il nous reste 30 secondes. Parce qu'il faut définir équitable, en fait. Parce que l'entreprise qui fait intermédiaire, je ne sais pas quel pourcentage de la tâche elle prend. Si on reprend l'archive radiophonique... Combien, Antonio Casilli, vous 40% dans certains cas. Donc 40%, c'est quand même beaucoup. J'ai lu 20% aussi, ça dépend des tâches. Amazon Mechanical Turk fait 40%. D'accord. Donc la notion d'équitable, elle est très discutable. Je pense que si on reprenait les critères qu'utilisent les gens qui essayent de défendre le commerce équitable, on rentrerait pas dedans, par exemple. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Benjamin Bayard, merci Antonio Casilli. En attendant, les robots, enquête sur le travail du clic, c'est aux éditions du Seuil, et je crois que vous avez une intervention à ce propos sur ce... C'est-à-dire que le 6 décembre, il y aura une journée d'études entièrement consacrée en attendant les robots à l'Institut des systèmes complexes de Paris, et vous êtes invité parce que, en plus, c'est libre. d'accès. Et ben, pour réfléchir ensemble à ces notions de digital labor, on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Céline Lozen, Natacha Triou, Noémie Naguette de Saint-Vulfranc, Alexandra Delbo, Olivier Bétard à la réalisation et Jacques Azubert aujourd'hui à la technique. Demain, nous parlerons de sciences nutritionnelles avec cette question: quelle base d'études, pourquoi tant de résultats contradictoires sur nos aliments? Est-ce que nous sommes devenus obsédés par la valeur calorique de ce qu'il y a dans notre assiette? On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire. France Culture, l'esprit d'ouverture.